L'objet de cette conférence est de rendre compte de cette figure d'un grand héros de l'imaginaire collectif. Michel Strogoff fait partie de cette série de héros dont c'est peut-être la définition d'ailleurs d'être connu de tous, même si on n'a pas lu les œuvres dans lesquelles ces héros interviennent. Il appartient à la culture commune, autant qu'Ulysse, Robinson Crusoe, Dracula. A-t-on lu ou non ces romans ? A-t-on vu ou non les films où ces héros interviennent ? Eh bien, ces héros appartiennent à notre patrimoine commun, à notre imaginaire. Du reste, c'est bien sur ce héros qu'est centrée l'histoire, puisque, comme vous le savez, et comme nul, évidemment, ne saurait l'ignorer, Jules Verne donne le nom du héros pour titre à son roman, Michel Strogoff, qui paraît en 1876 dans cette belle édition Hetzel, illustré de belles vignettes qui ont fait aussi les délices de tant de lecteurs de jeunesse. Ce roman, 1876, paraît donc à peu près 13 ans après que Jules Verne a lancé chez Hetzel le grand cycle de ses voyages extraordinaires qui s'est ouvert en 1863, j'en parlais hier avec les étudiants, avec 5 semaines en ballon. Alors ce roman, Michel Strogoff, c'est son titre, est un roman qui, apparemment, est d'une très grande simplicité, d'une très grande linéarité. Et évidemment, quand un universitaire dit que les choses sont simples, c'est qu'elles sont en réalité un peu plus compliquées que cela. Mais jouons d'abord la carte de la simplicité pour souligner que, d'abord, Michel Strogoff, dans l'histoire du roman, c'est peut-être un des romans les plus linéaires et les plus finalisés qui soient, puisque, au fond, toute sa formule narrative se trouve résumée, condensée dans son sous-titre, Michel Strogoff, Moscou, Irkoutsk, un itinéraire de 5200 verstes, c'est-à-dire 5523 kilomètres, qui est évidemment figuré dans le roman par, dans l'édition du roman par deux cartes qui permettront de suivre le voyage du héros à travers la Russie vers la Sibérie, deux cartes successives. Mais si l'on se reporte à Google Maps, comme on est porté à le faire aujourd'hui, voici l'itinéraire que suit Michel Strogoff. Donc, si vous y alliez en train, ça vous prendrait 3 jours et 10 heures. Si vous y alliez en voiture, ça vous prendrait 68 heures. Et si vous y alliez en avion, c'est 5h30 d'avion. Inutile de vous dire que lorsqu'on y va, en gros, à pied, ou avec des carrioles plus ou moins déglinguées, ça prend un certain temps. Donc, itinéraire extrêmement orienté, finalisé, linéaire, résumé dès ce sous-titre, qui résume encore d'autres choses. Puisque, symboliquement d'abord, si vous voulez, le voyage de Moscou vers Irkoutsk, c'est un voyage qui va vers le soleil levant, qui va à rebours du temps, de l'Occident vers l'Orient, du couchant vers le levant, qui réunissent aussi deux points de l'Empire russe. C'est un résumé aussi de la structure du récit qui est très carré, puisque ce récit est fait de deux parties, de longueur d'ailleurs à peu près équivalente, et c'est un résumé aussi de son principe de distribution binaire qui commande tout son système des personnages, qu'ils soient personnages principaux ou personnages secondaires. Ce sont des couples, d'abord, qui sont établis par alliance politique, familiale ou sentimentale, le tsar et son frère le grand-duc, Michel Strogoff et Nadia Fedor, Marfa Strogoff, la mère de Michel, et Vassili Fedor, le père de Nadia, ou bien encore, à la jointure de ces deux dimensions, à la fois rivaux et alliés professionnels, le couple à la fois comique et magnifique des deux reporters, l'un anglais, l'autre français, Harry Blount et Alcide Jolivet. Toute l'histoire est donc construite dans son sous-titre qui programme l'itinéraire, dans sa construction en deux parties, dans le système de ses personnages et des alliances plus ou moins familiales ou matrimoniales ou politiques qui s'y trouvent figurées. Tout le roman est construit sur une succession en somme de binômes. Bien entendu, ces binômes correspondent, si on essaye d'en rendre compte d'une manière un peu interprétatif, si vous voulez, ou sémantique, ces binômes s'articulent à un imaginaire manichéen. C'est le bien contre le mal, ce sont les bons contre les méchants, ce sont les fidèles contre les traîtres, Strogoff contre Ogareff, c'est la civilisation contre la barbarie, c'est l'Occident contre l'Orient. Mais, et c'est là peut-être que s'embraye un propos qui me paraît plus important et plus intéressant, ces binômes correspondent aussi, si l'on veut, au codage binaire de l'information télégraphique. Le codage de l'information télégraphique, le code Morse, la communication télégraphique par fil électrique repose précisément sur des systèmes de commutation binaire, et c'est bien le télégraphe qui est l'un des héros principaux de ce roman, et en tout cas l'inducteur du roman, figuré lui aussi par le sous-titre, puisque tout le récit s'embraye à partir d'une rupture du fil télégraphique. C'est le tout début du roman, Sire, une nouvelle dépêche, d'où vient-elle? De Tomsk. Le fil est coupé au-delà de cette ville, il est coupé depuis hier, d'heure en heure générale qui fera passer un télégramme à Tomsk, comme que l'on tienne au courant. « Oui, sire, répondit le général Kissov. » C'est l'incipit du roman, c'est le début, c'est l'induction du roman. Le roman commence donc par une coupure du fil de télégraphe, et la nécessité donc de substituer au télégraphe défaillant, qui a été, dont la ligne a été rompue entre Moscou et Tomsk, un courrier, un personnage chargé d'acheminer aussi vite que possible un message du tsar à son frère. Et tout cela, me semble-t-il, est condensé et figuré aussi dans le sous-titre. Non seulement les deux points Moscou-Irkoutsk qu'il s'agit de relier, mais même le trait d'union qui figure entre Moscou et Irkoutsk, me semble-t-il, condense tout le propos du roman, c'est-à-dire la mise en communication rétablie entre ces deux points, dont la communication a été rompue, à charge évidemment pour Michel Strogoff de se substituer à la demande du tsar à cette machine défaillante. Cette linéarité du roman, qui veut par exemple que le héros n'est finalement qu'un porteur de message, qui doit acheminer avec la plus grande rapidité possible les instructions depuis le centre jusqu'à la périphérie lointaine à l'Orient, cette linéarité du roman, elle est froide, elle est pure, elle est due aussi au schématisme de son parcours narratif. Le héros titulaire ne fait pas d'emblée son apparition, fait d'abord apparition en somme le télégraphe qui ne fait apparition que pour manifester sa défaillance. Mais dès que Michel Strogoff est apparu sur la scène du récit, c'est au troisième chapitre, nous ne quitterons plus jamais Michel Strogoff, à une petite exception près, à toute fin du roman. Dès que Michel Strogoff apparaît, nous sommes sur ses pas, nous le suivons, nous allons aussi vite que lui par les différents moyens de transport qu'il va adopter pour rejoindre Irkoutsk et donc le but de son itinéraire et de sa trajectoire. Nous sommes très loin avec Michel Strogoff, déjà, du roman Fleuve propre au feuilleton romantique, qui était fait sur des intrigues considérablement enchevêtrées, avec un labyrinthe de personnages, avec des retournements brutaux de situation, avec des mystères, des énigmes, des intrigues à tiroir. Ici, le héros suit son programme dans une espèce de pureté, de schématisme qui contribue à l'efficacité sans doute d'un côté, mais aussi à la froideur de ce roman aiguisé comme une lame et trempé comme une lame de Damas dans des eaux glacées. Il n'empêche que subsistent des résidus du vieux roman feuilleton romantique. Évidemment, le principal résidu, c'est la figure du surhomme. Michel Strogoff, héros titulaire du roman, est celui que rien, même les pires obstacles, ne fera dévier de sa route. Mais c'est une figure du surhomme qui est, en réalité, si l'on y regarde d'un peu près, déjà bien éloignée du surhomme qu'était Rodolphe de Gerolstein dans Les Mystères de Paris ou Edmond Dantès dans Le Comte de Monte-Cristo. Ce surhomme est un surhomme qui n'a rien de justicier. Michel Strogoff est un surhomme au service du pouvoir, au service de l'ordre, au service de la puissance impériale. Il est un exécuteur d'ordre, c'est une expression que Jules Verne emploie, au service donc du pouvoir impérial. Aucune dimension de critique sociale, aucune dimension de critique politique n'apparaît dans ce roman. Par là, évidemment, l'on voit que Jules Verne, comme tant d'autres à la même époque, produit du roman de divertissement et d'éducation qui est au service de l'idéologie dominante. C'est un romancier, évidemment, conforme, conformiste, conservateur, et donc avec Michel Strogoff, on a un surhomme conservateur, un surhomme au service, non pas de la justice, mais peut-être de l'appareil juridique et politique. Deuxième remarque sur ce surhomme remanié, Michel Strogoff est en effet un surhomme, en tant qu'il est capable de résister aux pires supplices et aux pires sacrifices, Mais c'est aussi un surhomme qui a ceci de particulier d'être à la fois plus qu'un homme et moins qu'un homme. Je veux dire par là que c'est un exécuteur d'ordre, en ceci que, d'une certaine manière, il ne fait que répondre aux commandements qui lui sont donnés, il n'est finalement, en somme, qu'une machine. Et cet homme surhumain est, au fond, un surhomme en tant qu'il est en au-delà de l'homme, il est au-delà de l'homme, il est une machine de performance et d'efficacité absolument inflexible. Et d'autre part, c'est tout le caractère rusé du roman, c'est que Michel Strogoff, ce surhomme-machine, je vais vous en faire la démonstration dans un instant, que c'est bien une machine, ce surhomme-machine va devenir au fil de son parcours non plus un surhomme, mais un sous-homme, c'est-à-dire un infirme, un handicapé. C'est-à-dire qu'à mesure que Michel Strogoff avance vers son but, peu à peu se dissipe ses forces, peu à peu les ressources dont il peut disposer dans sa quête lui échappent, et donc c'est presque comme un infirme, c'est comme un aveugle, nous le savons, spoiler ici, c'est comme un aveugle, et même un faux aveugle, double spoiler, que Michel Strogoff va finir par arriver à son but. Alors cette figure de l'homme-machine, on pourrait dire, les étudiants sont parfois fondés à penser ça, même s'ils ne le disent pas, ils sont aimables, le public est parfois fondé à dire ça, bon ça c'est des lubies de professeurs d'université qui coupent les cheveux en quatre, c'est la preuve d'ailleurs, ils sont pour la plupart chauves, et donc c'est pas dans le roman, c'est pas codé, eh bien si, c'est dedans, et je vais vous le montrer. Comment est-ce que Michel Strogoff est représenté lorsqu'il est question de lui au tout début du roman? C'est dans une conversation entre le général Kissoff et le tsar que, pour la première fois, il est question de Michel Strogoff. Et que dit-on de ce personnage? On nous dit, est-ce qu'il a du sang-froid, de l'intelligence, du courage? Oui, sire, il a tout ce qu'il faut. Son âge, il a 30 ans. C'est un homme vigoureux. Sire, il peut supporter jusqu'aux dernières limites le froid, la faim, la soif, la fatigue. Voilà pour le surhomme. Il a un corps de fer. Oui, sire. Et un cœur d'or, et il se nomme Michel Strogoff. Apparition du nom du héros, apparition du héros surhumain, apparition aussi d'un personnage dont on dit qu'il a un corps de fer, je veux bien que ce soit une métaphore, et qu'il a un cœur d'or, c'est-à-dire qu'il est quand même quelque chose qui a à voir avec, allez, de la métallurgie, si vous voulez. Lui, il sera ensuite, un peu plus loin, redécrit, dans d'autres termes, au moment où Michel Strogoff apparaît physiquement sur la scène du roman et en présence du tsar, comment le décrit-on? C'est très important la manière dont les personnages sont d'abord montrés. On ne fait jamais deux fois une première impression, dit-on. Eh bien voilà, quelle est l'impression que Michel Strogoff fait lorsqu'il apparaît sur la scène? Eh bien, le voici. Michel Strogoff était haut de taille, vigoureux, épaules larges, poitrine vaste. Remarquez la syntaxe très particulière de Jules Verne, qui est une syntaxe assez peu liée. C'est une syntaxe presque télégraphique, si vous voulez. Il avance par petits syntagmes qui se suivent. Sa tête puissante présentait les beaux caractères de la race caucasique. Et puis voilà, là, encore une fois, c'est la poussée d'adrénaline du commentateur. Quand il trouve ça dans le roman qu'il étudie, il se dit « ça y est, je tiens le bon bout ». Ses membres, bien attachés, étaient autant de leviers disposés mécaniquement pour le meilleur accomplissement des ouvrages de force. Ce beau et solide garçon, bien campé, bien planté, n'eût pas été facile à déplacer malgré lui, car lorsqu'il avait posé ses deux pieds sur le sol, il semblait qu'il y fût enraciné. Alors je vous laisse lire la suite, peut-être l'autre passage en bleu, ce qui se sentait particulièrement dans sa démarche, dans sa physionomie, dans toute sa personne, et ce que le tsar reconnut sans peine, c'est qu'il était un exécuteur d'ordre. Corps de fer, cœur d'or, exécuteur d'ordre. Et voici, à présent, Michel Strogoff, placé devant son supérieur, en homme de fer, trempé, dit-on encore, dans les neiges comme un Damas dans les eaux de la Syrie, yeux bleus foncés, avec des membres qui sont autant de leviers disposés pour le meilleur accomplissement des ouvrages de force, et avec une physiologie qui lui confère une remarquable netteté de mouvement. Surhomme-machine, donc, un peu moins qu'un homme, un peu plus qu'un homme, dont le dialogue avec le tsar montrera, il ne répond que par des oui et par des non aux ordres qui lui sont intimés, montrera que c'est bien une série d'ordres, d'initiatives émanant d'un programmateur que Michel Strogoff va suivre, et non pas une direction ou des décisions qui émaneraient de sa propre volonté. Donc, le tsar suspendit un instant la série de ses questions, puis montrant la lettre qu'il tenait à la main. « Voici une lettre, dit-il, que je te charge, Mrs. Strogoff, de remettre en main propre au grand-duc et à nul autre que lui. Je la remettrai, sire, le grand-duc est à Irkoutsk, j'irai à Irkoutsk, mais il faudra traverser, je traverserai, tu te méfieras, je me méfierai, passeras-tu par Omsk, c'est mon chemin, sire. Si tu vois ta mère, tu risqueras d'être reconnu, il ne faut pas que tu vois ta mère, petit instant d'hésitation qui sauvegarde l'humanité de Strogoff. Je ne la verrai pas, dit-il, jure-moi, je le jure, Michel Strogoff, de cette lettre dépend le salut de toute la Sibérie, cette lettre sera remise, tu passeras, je passerai, j'ai besoin que tu vives, je vivrai et je passerai, va donc Michel Strogoff, dit-il, va pour Dieu, pour la Russie, pour mon frère et pour moi. Oui, non, ordre, exécution, tout est là, Michel Strogoff sera simplement cette machine qui suivra son chemin. Alors, il faudrait peut-être tenter de dire de quelle machine il s'agit. Évidemment, vous le devinez. Michel Strogoff, précisément parce qu'il est le courrier du tsar, se substituant à la machine télégraphique défiante, va être un homme télégraphe. Alors, on pourrait dire que c'est simplement un effet du montage narratif du roman, une espèce d'effet de symbolisme un peu facile. Eh bien non, je pense que l'on peut montrer que Strogoff est construit comme un équivalent humain, métaphorique, si vous voulez, du télégraphe défaillant. Et un signe de cela, c'est que lorsqu'il est question du télégraphe électrique et de ses propriétés extraordinaires, que nous en dit Jules Verne ? Il nous dit ceci, les communications étaient interrompues, c'est ce qui est en bleu, hein. Le fil entre Colivan et Toms avait-il été brisé ? Le seul agent qui ne craint ni le froid ni le chaud, celui que ni les rigueurs de l'hiver ni les chaleurs de l'été ne peuvent arrêter, qui vole avec la rapidité de la foudre, le courant électrique ne pouvait plus se propager à travers la steppe. Donc, le télégraphe électrique est présenté évidemment comme un agent, d'un côté, et il est présenté comme un agent qui ne craint ni le froid, ni le feu, ni les rigueurs de l'hiver, ni les chaleurs de l'été. Et que nous a-t-on dit de Michel Strogoff lorsqu'il a été présenté ? Eh bien, on nous dit... c'est un homme vigoureux, sire, il peut supporter jusqu'aux dernières limites le froid, la faim, la soif, la fatigue. Et on nous dit aussi de sa formation en Sibérie que cette vie rude lui profita et arrivé à l'âge de l'homme fait, il était capable de tout supporter, le froid, le chaud, la faim, la soif, la fatigue. C'était comme le Yakout des contrées septentrionales, un homme de fer. Et on nous dira ça même trois fois plutôt que deux. En homme qui ne craint ni le froid ni la neige, Michel Strogoff eût préféré voyager par la rude saison d'hiver. Bref, il a certains des scènes, si vous voulez, du télégraphe. Il est véritablement l'incarnation symbolique et métaphorique de cette machine télégraphique commandée par programme binaire et fonctionnant sous le régime de l'électricité. Alors on pourrait se demander, très rapidement, je ne vais pas trop développer cela, ça m'emmènera un peu loin, si Michel Strogoff est la seule machine dans le roman, s'il y a d'autres hommes-machines dans le roman, et on pourrait se demander s'il y a d'autres hommes-machines reliés aux technologies de communication. La réponse est oui, évidemment, puisque vous avez deux reporters, l'un s'appelle Alcide Jolivet, l'autre s'appelle Harry Blount, ils sont rivaux autant que partenaires dans la chasse à l'information sur le terrain du grand reportage, et on nous dit de l'un que l'anglo-normand, compassé, froid, flegmatique, économe de mouvement et de parole, semblait parler ou ne gesticuler que sous la détente d'un ressort qui opérait à intervalles réguliers. Au contraire, le gallo-romain, vif, pétulant, etc. Le français était touilleux, l'anglais était tout oreille. En effet, l'appareil optique de l'un avait été singulièrement perfectionné par l'usage, la sensibilité de sa rétine devait être aussi instantanée que celle de ses prestidigitateurs, qui reconnaissent une carte rien que dans un mouvement rapide de coupe. Il avait ce qu'on appelle la mémoire de l'œil. Autrement dit, le français est un appareil photo. C'est un appareil photo. Qu'est-ce qu'il est l'anglais ? L'anglais, au contraire, paraissait spécialement organisé pour écouter, pour entendre. Lorsque son appareil auditif a été frappé du son d'une voix, il ne pouvait plus l'oublier. Donc lui, il a la mémoire de l'oreille, c'est un phonographe. Bref, télégraphe pour Michel Strogoff, phonographe pour Harry Blount, appareil photo pour Alcide Jolivet, c'est évidemment une métaphore qui travaille tout le roman et qui travaille beaucoup de romans populaires au XIXe siècle, ce roman populaire où selon une thèse que je développe assez généralement depuis quelques années, ce roman populaire qui a été un des lieux et un des vecteurs de littérarisation et aussi de transmission idéologique des valeurs liées à la société de communication naissante. Cette dimension machinique, je n'y insiste plus, on pourrait évidemment la relier aussi, au sens même propre du terme, au fil suivi par Michel Strogoff, la dimension froide, technique, épurée jusqu'à l'os, froide comme une lame trempée dans les eaux de Syrie, du roman, a à voir avec cette mécanique froide du récit qui est également reliée à ces hommes-machines qui en sont les acteurs. Alors, c'est là que les choses vont se compliquer, s'entortiller un peu et devenir tout à coup diablement intéressantes, en tout cas pour moi, je l'espère un peu pour vous, c'est que si tout le roman suit une ligne, une espèce de ligne de fuite, apparemment directe, apparemment pure et simple, vers Irkoutsk, à partir de Moscou, je pense qu'on peut aussi lire, de la même manière que l'homme-machine sur-homme va devenir un sous-homme infirme, on peut lire cette trajectoire, cet itinéraire, sous l'angle d'une espèce de dimension, comment dire, spiralaire, sous l'angle d'une forme de vertige, sous l'angle d'une sorte de tournoiement, de retournement et de boucle, la ligne se compliquant en boucle et en système de boucle à mesure que l'on avance dans le récit. Le plan de linéarité sur lequel ce roman se développe et où son héros nous entraîne tient en effet, je crois, d'une forme de leurre, d'une forme d'illusion créée et qui ne va que contribuer à l'effet puissant produit dans la seconde partie du récit par Jules Verne. Cette ligne que suit le héros est en réalité un axe autour duquel s'enroule en spirale un développement symbolique tout autre. Le principal binôme du roman, les deux principaux personnages, pour le dire plus simplement, Strogoff et Nadia Fedor, sont significativement les opérateurs d'une première symbolique du retournement, puisque, tandis que Michel, en allant vers la Sibérie, remonte vers Marfa, sa mère, et remonte vers le lieu de sa naissance, Nadia, qui lui fait escorte, s'avance, elle, en direction de son père, Vassili Fedor. Il y a donc une espèce de disposition à la fois de retournement, de remontée dans le temps généalogique et dans le temps spatial et géographique vers le levant, vers l'origine. Et il y a d'autre part une remontée en chiasme, pourrait-on dire, du fait que l'une va vers son père, Vassili Fedor, et l'autre va vers sa mère, Marfa Fedor. Cette dimension spiralaire, avec des effets de rebours, de régression, de boucle, de retournement, de tournoiement, de tourbillon, on les trouve très codés, à la manière de nouveau d'une espèce de lettre volée, comme chez Edgar Poe, dans le titre du roman et dans le nom de son héros, Michel Strogoff. J'ai interrogé une amie russe à ce sujet. Strogoff, c'est un peu comme Bœuf Stroganov, certes, mais ce n'est pas un nom russe. Il n'existe pas de Strogoff en Russie. Ça sonne russe, mais ce n'est pas russe. Donc c'est une création de Jules Verne. Ce qui fait qu'on doit s'interroger d'où vient ce nom. Michel, on voit bien, hein, c'est l'archange Michel qui terrasse le dragon, ce dragon qui est Ogareff, l'ogre de toute cette histoire. Mais Strogoff, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, c'est un mot qui est relié à un étymon grec, la racine en est stro, qu'on retrouve dans strobos, strombos, ou encore strophée, qui nous ont donné en français trombe, strombe, stroboscope, ou encore strophe, hein, la structure poétique, c'est-à-dire tout un ensemble de formes et de figures qui sont en effet enroulées sur elles-mêmes à progression circulaire et non linéaire, tous des effets stroboscopiques de tournoiement, de retournement. Les noms des héros, je l'ai déjà plus d'une fois expliqué à certains des étudiants qui sont là, les noms des héros ne sont pas choisis au hasard par les romanciers. Si le commissaire de police de Simenon s'appelle Maigret, ça a une signification. Si Valjean s'appelle Valjean chez Victor Hugo et qu'il est en lutte avec quelqu'un qui s'appelle Javert, il y a évidemment un travail rhétorique tout à fait concerté par l'écrivain. Eh bien, chez Jules Verne, plus ou autant que chez tous les autres écrivains soucieux de la construction de leur texte et de leur récit, ce nom ne vient pas au hasard. Et la chose tout à fait singulière, qui témoigne chez Jules Verne d'une capacité d'écriture plus grande que celle dont on le crédite d'ordinaire, et qui fait que le roman populaire est comptable de techniques extrêmement sophistiquées de mise en forme du discours qu'on ne peut pas seulement réserver aux productions lettrées ou d'avant-garde, c'est que la fin du premier chapitre du roman, alors que Michel Strogoff n'est pas encore apparu, nous montre une scène qui est agencée sous la forme stroboscopique d'un resserrement graduel, presque cinématographique d'ailleurs, sur un point au centre d'un système circulaire. Je lis. Voyez d'abord que nous sommes à Moscou. Autour de cette enceinte se dessinaient trois villes, on les nomme. Une petite rivière au cours sinueux formait une curieuse mosaïque de maisons qui s'enchassait dans un vaste cadre de 10 lieues, l'enchâssement dans un cadre. Et puis, cette rivière, c'était la Moscova. Cette ville, c'était Moscou. Cette enceinte fortifiée, c'était le Kremlin. Et l'officier des chasseurs de la garde, qui les bras croisés, le front songeur, écoutait vaguement le bruit jeté par le palais neuf sur la vieille cité moscovite, c'était le tsar. Resserrement progressif du spectre, si vous voulez, sur un personnage à son balcon. C'est un procédé presque filmique, et surtout, système d'enchâssement de formes circulaires. La Moscova, l'enceinte, le Kremlin, le château du Kremlin, le balcon, et sur ce balcon, le personnage, les bras croisés, qui est en train de regarder et finalement d'agencer tout cela. Alors, cette rhétorique narrative fondée, en tout cas en première hypothèse ou en seconde hypothèse, sur le tournoiement, qu'est-ce qui va la prendre en charge dans ce roman ? Il y a d'abord des phénomènes qui sont tout à fait évidents, c'est que, au fond, l'ensemble du discours de Jules Verne, dans l'ensemble d'ailleurs de ses voyages extraordinaires, c'est toujours de faire non pas seulement une ligne dans un espace ou sur un territoire ou dans une histoire, c'est de faire le tour encyclopédique du savoir. L'encyclopédie, cela signifie bien quelque chose qui relève d'une totalité circulaire dont on fait le tour, qu'on embrasse en un cercle. Les voyages extraordinaires de Jules Verne ambitionnent d'embrasser la totalité de la géographie et de l'histoire et de l'univers même dans le cercle d'un cycle de cycles qui sont les romans ainsi intitulés et dont participe évidemment le récit qui nous occupe. D'autre part, le voyage que suit Strogoff à travers l'espace est un voyage qui n'est pas seulement un voyage dans un espace géographique avec tous les obstacles qu'il va rencontrer, c'est aussi un voyage presque ethnologique. C'est un voyage à travers la culture, c'est un voyage de l'Occident vers l'Orient, c'est un voyage qui remonte vers l'origine, donc qui va en boucle vers un point de départ. C'est un voyage qui traverse aussi toutes sortes de paysages, de villages, de cultures, d'ethnies, et dont Jules Verne, évidemment, parfois se plaît à détailler les coutumes, les formes sociales ou les formes de langage. Troisième type de voyage, c'est que le voyage de Michel Strogoff, je ne vais pas trop insister là-dessus, c'est la scène la plus connue du roman, « Regarde de tous tes yeux, regarde », formule magnifique que Georges Perec avait utilisée comme épigraphe à la vie mode d'emploi, figurez-vous. « Regarde de tous tes yeux, regarde ». 5 fois en 2 ou 3 pages, l'expression « regarde de tous tes yeux, regarde », et il regarde tous ses yeux au moment où il va être évidemment aveuglé, où la flamme rougeoyante du sabre va lui enlever la vue. Nous savons évidemment que les larmes nombreuses que ses yeux font couler devant le spectacle de sa mère torturée ou menacée va sauver Strogoff de l'aveuglement définitif. Mais toujours est-il qu'il y a cette scène symbolique qui est une scène tout à fait symbolique de l'initiation. C'est-à-dire les yeux bandés, le voyage de Strogoff, c'est un voyage initiatique, c'est-à-dire de recommencement. Le voyage vers l'origine, le voyage vers la mort, à travers la mort, la perte de la vue, la perte de ses pouvoirs en est une dimension, voyage à travers la mort vers une nouvelle naissance qui va se produire au-delà de l'expérience de l'aveuglement. Ce voyage initiatique, dans toutes les traditions depuis l'Antiquité, suppose aussi que le personnage candidat à l'initiation subisse des épreuves, l'épreuve de l'air, l'épreuve de l'eau, l'épreuve du feu, et toutes ces épreuves vont être imposées à Strogoff. Hein. Tempête dans l'Oural, flamme de naphte sur le cours de la rivière de tout à coup de l'Inéicéi, voilà, ou bien encore, évidemment, l'épreuve de la terre, la redescente dans les cavernes. Alors, ces formes-là qui nous renvoient à une symbolique très archaïque, qui est celle de l'initiation, depuis les rites de l'Antiquité jusqu'aux rites modernes, pourraient être aussi lues à travers certaines des hypothèses que développe Michel Serres, qui montre en effet que toute l'œuvre de Jules Verne est fondée sur ce type de processus de remontée initiatique aux origines. Et je vous renvoie à ce très beau livre de Michel Serres, Jouvence sur Jules Verne, qui est sans doute un de ses grands livres, où, sur l'ensemble de l'œuvre, Serres développe une lecture extraordinairement subtile, et qui pourtant a laissé échapper quelque chose, fort heureusement pour moi, dont je vais à présent parler. Eh bien, cette chose, c'est que le processus de régression à l'œuvre dans Michel Strogoff, c'est notamment un processus de régression qui s'opère à travers les moyens de transport et de communication. Comment voyage Strogoff de Moscou à Irkoutsk? Il prend d'abord le chemin de fer. Le chemin de fer de Moscou jusqu'à Nijni Novgorod. Autrement dit, il prend le moyen de transport qui, en 1876, est le plus rapide, le plus technologiquement avancé, la machine à vapeur. Vous allez voir que la question de la thermodynamique va me retenir, rassurez-vous, pas de façon trop savante, j'en suis bien incapable, à la fin de mon exposé. Donc, premier moyen de transport, le chemin de fer, la machine à vapeur, jusqu'à Nijni Novgorod. Après, il prend, sur la Volga, jusqu'à Perm, une autre machine à vapeur, qui est le steamboat, le bateau à vapeur, qui est une machine, là aussi, encore très sophistiquée, mais d'une lenteur un peu plus grande que cette vitesse prodigieuse que permet le chemin de fer. Qu'emploie-t-il après le steamboat? Eh bien, il va voyager à bord d'un tarantas, c'est-à-dire une sorte de chariot, de diligence, si vous préférez, qui est tout de même sur quatre roues, qui est tout de même posé sur des ressorts, qui est tout de même d'une certaine rapidité, d'une certaine efficacité. Après quoi, il va prendre une télègue, c'est-à-dire un chariot qui n'est même plus articulé sur des ressorts. Autrement dit, il a encore régressé dans l'ordre de la sophistication technologique en fait de moyens de transport. Et puis, ça va être le bac, un moyen de transport particulièrement particulier, puisque ce moyen de transport ne permet que de traverser une rivière, ou un fleuve, en étant accroché, comme vous le savez, à un fil. C'est donc un moyen de transport très contraint, qui reste encore un artefact humain, bien sûr, un fabricat, mais c'est évidemment très loin du steamboat de tout à l'heure et du chemin de fer. Et puis, ça va être une kibitka. Il n'y a même plus de roues, là. Là, il court sur des rails de traîneau. Et je rappelle que Michel Strogoff, ça ne se passe pas en hiver, hein. Pas question d'aller à vive allure avec ce traîneau sur la glace et la neige. Ça se passe alors que la boue est là, c'est précisé par Verne. Si ça avait été en hiver, il aurait été plus vite. Ben non, il va pas vite parce qu'il est embourbé. Et donc la kibitka, moyen de transport traditionnel, est encore en retrait par rapport à la télègue de tout à l'heure et à la tarantasse dont il a été question. Je vous rappelle qu'il y a des belles scènes avec Nicolas Pigassov, le petit télégraphiste dont le télégraphe est pris d'assaut par les troupes de Féofar Khan, et qui, lui, aborde sa petite charrette, va extrêmement lentement. L'homme de l'instantanéité télégraphique avance très lentement avec Strogoff et Nadia Strogoff à ses côtés. Qu'est-ce qu'elle emprunte ensuite? Le radeau. Le radeau, c'est encore un objet fabriqué. C'est encore un objet assemblé. C'est encore des poutres que l'on agence sous la forme d'un moyen de transport et qui va être plus ou moins dirigeable par des gaffes ou par un gouvernail. Mais on est loin du steamboat ou du chemin de fer. Et puis, ça va être le train de bois. Alors, le train de bois, ce n'est même plus un bateau, ce n'est même plus un radeau. C'est encore un objet fabriqué par l'homme puisque ce sont des arbres coupés qu'on a jetés dans le cours d'une rivière et sur lesquels on peut, en effet, voyager, assez peu confortablement, certainement. Et puis, comment va-t-il terminer son voyage, Michel Strogoff? Il va terminer à bord d'un glaçon. C'est-à-dire qu'il va terminer tout son périple parti du chemin de fer et du steamboat, il achève sur un glaçon à la dérive, c'est-à-dire sur un objet qui n'est même plus un fabricat humain. C'est encore un moyen de transport, mais c'est un moyen de transport que la nature procure et qui laisse évidemment celui qui est à son bord à la merci du cours du fleuve. La ruse, évidemment, c'est que quel que soit le moyen de transport, aussi lentement qu'il avance, et il avance de plus en plus lentement et de façon de plus en plus archaïque, Michel Strogoff, invariablement, continue son petit bonhomme de chemin vers le but qu'on lui a fixé. Il y a donc, à l'échelle de l'ensemble du roman, une sorte de figure technologique qui fait que ce roman évolue vers le plus archaïque, de la culture vers la nature, de l'Occident vers l'Orient, du soleil couchant vers le levant, de l'homme mûr vers l'homme enfant, et je rappelle aussi que, aveugle, dépossédé de ses pouvoirs, escorté par Nadia, la belle Nadia, eh bien, Michel Strogoff termine son voyage en rampant, c'est-à-dire qu'il est presque comme un enfant, comme un bébé qui vient de naître, et qui va aller, jetant le masque de son faux aveuglement, terrasser le terrible Ivan Ogareff au moment où celui-ci a pris sa place à Irkoutsk pour transporter ce message. Tout cela est évidemment lié aussi, je saute les passages, regarde toutes les yeux, regarde, est aussi lié à un mythe extrêmement fondamental, qui est évidemment le mythe d'Édipe. Je fais ici un clin d'œil au beau texte d'Henri Beauchaud, Édipe sur la route. Édipe, qu'est-ce que c'est que l'histoire d'Édipe? C'est l'histoire d'un personnage que le destin fait suivre inexorablement sa route, qui va assassiner le roi de Thèbes, dont il ignore évidemment que c'est son père, qui va rencontrer la terrible Sphinge et résoudre l'énigme, qui va épouser Jocaste, sa mère, qui va ensuite, pour tenter d'éloigner de la ville de Thèbes les épidémies et les terribles catastrophes qui s'abattent sur elle du fait de la malédiction que la ville subit à cause de l'inceste d'Édipe, celui-ci qui ignore la cause de tous ces troubles va demander à des enquêteurs de résoudre la question, de savoir qui a tué Laios, l'ancien mari de Jocaste, et évidemment Jocaste qui a compris ce suicide, et Édipe, lorsque les écailles lui tombent de ses yeux, si vous voulez, va, à l'aide de sa fibule, hein, son épingle qui tient sa tunique, se crever les yeux, et puis, sans être massacré par les Thébains, le voici qui s'éloigne à travers le désert, soutenu par quelqu'un qui n'est autre que sa fille Antigone. C'est tout le récit de Michel Strogoff. La scène de l'aveuglement, c'est Édipe aveuglé, Nadia qui chemine aux côtés de Strogoff et qui le soutient, c'est Antigone. Plus d'une fois, Jules Verne dit, Nadia était à la fois sa fille, sa sœur, son mari, à la fin, il s'épouse, évidemment. Jocaste, elle est là, c'est Marfa Strogoff, celle que le père, le tsar, lui dit, tu ne la verras pas. Ça veut dire aussi, tu ne la toucheras pas. Et il va la toucher, il va la couvrir de son corps pour la protéger des coups qui s'abattent sur lui. Bref, on pourrait évidemment aussi dire que le sphinx, ben, c'est Ogareff. Hein, cette espèce d'ogre, de démon qu'il s'agit de vaincre, c'est le sphinx. Autrement dit, y compris dans la trame mythologique du roman, il y a des figures de retour à des mythes, à des récits, à des séquences extrêmement archaïques de notre imaginaire collectif. Je note ici qu'Édipe Roy, dans la belle image du film de Pasolini, d'Édipe après son auto-aveuglement, Édipe Roy a été aussi réédité, c'est une chose amusante, dans la collection Série Noire chez Gallimard, comme peut-être le prototype de tous les romans policiers, et le roman policier le plus subtil qui soit, puisque l'enquêteur, le détective, Édipe, est aussi le coupable. Hein, c'est un roman policier non seulement très ancien, mais incroyablement retors et avant-gardiste dans son développement. Il faut maintenant essayer de comprendre tout ça, et je termine, Dick, je vois que l'heure est presque là, j'ai encore 5 minutes, je vais pouvoir aller assez vite, pour aller à des conclusions, essayer de comprendre pourquoi cette figure de la linéarité que j'ai décrite se retourne en boucle. Vous pourriez me dire, ben, c'est parce que ça lui plaît, parce que c'est plus... C'est plus surprenant, parce que un récit qui ne serait que linéaire, ça finirait par être ennuyeux. Il y a évidemment tout ça, il y a un travail du romancier qui manie ses effets et qui maîtrise la marche de son récit dans un objectif évidemment de séduction tant que de mystification de son lecteur, mais enfin on peut tout de même émettre un certain nombre d'hypothèses. Et j'en émettrai trois. Pourquoi donc ces figures de la régression? Pourquoi en particulier ces figures de la régression technique? La première hypothèse serait que, au fond, l'on voit apparaître dans Michel Strogoff une ombre au tableau de l'optimisme technologique dans lequel Jules Verne, jusque-là, pendant les 13 premières années du cycle des voyages extraordinaires, s'est plongé avec son lecteur. On sait que la carrière de Jules Verne, notamment dans ses derniers romans, va vers un ensemble de textes de plus en plus pessimistes, de plus en plus imprégnés d'imaginaires gothiques et ténébreux, comme si, en quelque sorte, le grand récit du progrès technique et du bonheur par la communication et par la civilisation, tout à coup, rencontrait des obstacles dont Michel Strogoff serait l'expression et la mise en récit. En effet, à travers le récit, qui tout de même commence par une défaillance de la technologie la plus avancée, le télégraphe électrique, est défaillant, signe de fragilité au cœur même du plus technologique, avec ce récit de la régression, en quelque sorte, Jules Verne ferait le contre-récit du progrès technologique. C'est une hypothèse qui vaut ce qu'elle vaut, qui n'est pas exclusive de la suivante, même si la suivante paraît inverse à celle-là. La deuxième hypothèse, ce serait que, d'une certaine manière, au fond, en montrant un héros qui va à son but, à travers le temps de la régression, à travers le temps du mythe, à travers le temps du retour aux origines, Jules Verne continuerait sa leçon au service d'un progrès technique qui est devenu au XIXe siècle la religion de l'époque. La religion du progrès suppose aussi des bases archaïques, suppose aussi qu'à la modernité soit intégrée une sorte de fable et de mythe, dont le récit de Michel Strogoff, avec cette espèce d'éternel retour qui l'anime, serait là aussi l'expression. Ce que Jules Verne vulgarise, ce n'est pas seulement les techniques du progrès, il vulgarise aussi l'idéologie progressiste, l'idéologie de la technique, la religion de la science et de la technique. Le progrès, c'est un temps irréversible, certes, mais nourri par l'éternel retour. C'est un devenir qui est constamment animé par des forces et par des formes rémanentes, par des forces et des formes qui reviennent du passé. La troisième hypothèse, qui, encore une fois, vient s'ajouter au précédent plutôt que l'annuler, je la retire, non pas directement, mais en m'en inspirant, de l'ouvrage d'un historien que voici, il s'appelle Anson Rabinbach, professeur d'histoire à Princeton, et qui, en 1991, a publié un très beau livre intitulé « Le moteur humain, l'énergie, la fatigue et les origines de la modernité ». L'ouvrage a été traduit en 2004 en français. Qu'est-ce que Rabinbach tend à montrer, sans parler de Michel Strogoff, dans cet ouvrage? Eh bien, il montre que, tout au long du XIXe siècle, un ample changement de front s'est produit dans les secteurs, certes, de la vie scientifique et technique, mais aussi dans les secteurs de la vie politique et sociale, qui a imposé, dans ces différents secteurs, des cadres et des représentations de l'homme fondées sur la thermodynamique. Vous savez que la thermodynamique, la théorie de la machine à vapeur, si vous voulez, connaît deux grands moments au XIXe siècle, deux grands principes successivement énoncés. Le premier principe, il est formulé en 1847 par Helmholtz, c'est la loi de conservation de l'énergie, c'est-à-dire qu'il y a une énergie universelle qui se transforme, qui se rediffuse, qui se redistribue, mais qui est inépuisable et qui est simplement sujette à métamorphose. Et puis, trois ans plus tard, c'est la loi de Clausius, le second principe de la thermodynamique, qui est fondée sur l'idée qu'il y a dissipation de l'énergie, que dans les processus de transformation, il y a de la perte qui se produit, et que, fatalement, l'univers évolue non pas vers une éternité d'énergie, mais au contraire vers une dissipation graduelle de cette énergie et vers la mort thermique. C'est la théorie de l'entropie qui est énoncée au milieu du XIXe siècle. Et ce que montre Anson Rabinbach, c'est que cette théorie de la thermodynamique, qui est une théorie d'ingénieur, qui est une théorie de physicien, a été adoptée dans tous les secteurs de la vie sociale. L'idée s'est imposée qu'il faut que l'homme mette à profit jusqu'au bout de toutes ses ressources, des capacités qui sont les siennes, qu'il faut que le travail soit efficace, qu'aucun moment ne soit perdu dans le travail de production et dans la productivité, et que donc la société, le travail, le loisir, l'organisation même de la vie sociale et politique doit être, orientée vers l'exploitation maximale des ressources et de cette énergie dont la thermodynamique était le symbole. Eh bien, cette figure, me semble-t-il, est bien la figure qui est au centre de Michel Strogoff. Michel Strogoff, c'est d'une part, en effet, l'homme-machine affecté à un but et qui va à ce but quoi qu'il lui en coûte et quoi qu'il advienne. Et c'est quelqu'un qui, à travers la fatigue, malgré la fatigue, malgré la peine, malgré la perte de ses ressources, accomplit la tâche qui lui a été fixée. Autrement dit, on peut lire dans Michel Strogoff, au fond, la fable idéologique de cet homme totalement soumis à l'ordre de la production, de cet homme-machine, dont chaque moment, chaque ressort d'énergie, chaque force, chaque mortification et chaque faiblesse doit être mis au service de la machine générale de production. En somme, Michel Strogoff, c'est aussi une fable, certes mythologique, nous l'avons vu, une fable technologique, c'est aussi d'un côté une fable anthropologique, c'est-à-dire le modèle, le type humain construit par la société technicienne et de production industrielle, et c'est un modèle politique, à savoir l'homme corvéable et taillable à merci au service de la machine industrielle et donc du capitalisme occidental. C'est donc, en somme, par là que je pourrais conclure. Michel Strogoff, oui, mais Michel Strogoff tout de même avec un regard de côté pour bien sentir que derrière le récit de Michel Strogoff, il y a une leçon qui nous est donnée, dont je ne suis pas certain qu'il faut la suivre jusqu'au bout. Merci en tout cas de m'avoir suivi jusque-là.